Vendredi et samedi, les artisans bouchers charcutiers, traiteurs d'Alsace, sont solidaires de votre pouvoir d'achat. Pendant ces 3 jours, et à partir de 40 euros d'achat, une palette fumée d'environ 1 kg vous sera offerte par votre artisan affichant l'opération. Retrouvez-les sur www.boucherie-charcuterie-alsace.fr. Pour votre santé, bougez plus. Nous avons tous un trésor dans notre jardin. Naturel, bio et facile à trouver. Il s'agit bien sûr des feuilles et des branchages qui sont d'une grande utilité. Simple et plein d'avantages. Par exemple, nous pouvons les broyer et les utiliser comme paillage. Ah oui, cela limite les herbes indésirables, évite l'évaporation et nourrit le sol. Et plus besoin d'aller à la déchetterie. Pour en apprendre davantage, retrouvez des animations et plus d'informations sur www.sm4.fr ou Facebook SM4 Déchets. Procop a reçu le Opla Awards du meilleur clip pour Rust on the Dew. Il est notre Alsacien formidable au micro d'Hubert Desmarais juste après Cinéad O'Connor. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day. Your love. Since you've been gone, I can do whatever I want. Nothing compares to you. Et oui, rien ne se compare à toi. On va essayer de traduire comme ça. C'est une traduction, ne la prenez pas mot pour mot. Cinéad O'Connor sur France Bleu Alsace. Le 16-19, le 16-19 sur France Bleu Alsace. Vendredi dernier, la cérémonie des Hopla Awards a récompensé ses 13 lauréats. Et parmi les prix, celui du meilleur clip Procope avec son titre Rust on the Dew. Notre Alsacien formidable au micro d'Hubert Desmarais. Bonjour Procope. Bonjour. Rust on the Dew, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire la... C'est la... Zut, pardon. C'est... pardon, ça me vient comme ça parce que moi je ne sais pas. La rosée sur la... C'est la rouille sur la rosée. La rouille sur la rosée. Ouais. Alors ce qui explique peut-être les couleurs un peu orangées, rougeâtres qu'on a sur votre clip vidéo. On va y venir dans un instant. La conception d'un clip, je me suis toujours posé cette question. Mais juste avant cela, Procope, quand vous avez reçu ce Hopla Awards ce week-end, ça fait quoi comme, comme émotion, comme sentiment? C'est extrêmement touchant. C'est extrêmement touchant parce que en plus, c'est un clip dont je suis très très heureux. Et c'est un gros projet fait avec un marionnettiste et avec un réalisateur. Ça m'a fait énormément plaisir, surtout que ce clip soit reconnu comme une œuvre intéressante, quoi. C'est vrai que c'est pas vous qui êtes spécialement mis en scène, bien qu'on vous voit évidemment, on vous distingue dans ce clip que je suis en train de regarder, je l'ai sous les yeux. Mais oui, vous l'avez dit, des petites marionnettes, des petites figurines. Comment vous avez réfléchi ce clip? Alors, moi, en effet, je suis vraiment une marionnette comme une autre, là. Comment est-ce qu'on l'a réfléchi? On a essayé de faire. C'est surtout le marionnettiste qui réfléchissait à ça et qui a mis tout en scène. Et l'idée, c'était de faire le clip comme on a enregistré l'album, donc de façon la plus analogique et la plus fait main possible et la plus live. Okay. Donc on mettait la musique et lui faisait les marionnettes par-dessus, on le faisait un peu tous comme ça. Parfois, il me prenait par le cou, hop, il me mettait devant un projecteur. Ouais. Et donc c'est énormément de projections, des jeux d'ombre, passage par des caméras obscuras, le côté rouillé, c'est une vieille bobine. En fait, tout le clip a été réenvoyé sur une vieille bobine qui était un peu rouillée comme ça. Et c'est ça qui donne toute la couleur, tout le côté. Oui, il y a un côté un peu vintage, comme s'il y avait un peu de rien qu'en image, un peu de grain, vous savez. Exactement. C'est l'idée, ouais. C'est l'idée. C'est vraiment tout est, on va dire, naturel, quoi. Et les personnages qu'on voit, ces petites marionnettes ou ces ombres, elles représentent des personnages en particulier ou c'est là aussi l'inspiration du marionnettiste quelque part. Alors ça dépend. La marionnette en bois, ça c'était une marionnette d'un de ses autres spectacles. Et sinon, les petites ombres, c'est les musiciens de l'album. D'accord. Tout simplement. Parce que c'est aussi une question que je me suis toujours posée quand on voit un clip de musique. Le chanteur chante parfaitement sur les paroles, évidemment. Mais comment ça se passe quand vous êtes en train de tourner? Il y a quelqu'un avec une immense chaîne FI qui projette qui diffuse la chanson et vous faites du playback dessus? Ou vous chantez réellement? C'est quoi la façon dont vous procédez? Moi, je chantais réellement par-dessus la chanson, mais qui était tout le temps diffusée en fond, parce qu'en plus, il fallait qu'on soit tout le temps pile dans le rythme. Et non, c'est vrai que ça fait qu'à la fin, on supporte plus la chanson, et c'est ce qui fait plaisir que le travail soit reconnu. Ça permet de redonner un peu de plaisir à écouter la chanson et à regarder le clip. Bon, et vous la jouerez sur scène ce soir à la laiterie ou pas, cette chanson qu'on va tenir encore écouter un petit peu? Absolument, c'est la quatrième chanson du set, il me semble. D'accord, ce soir à la laiterie de Strasbourg. Vous supportez encore en image ou vous préférez la jouer sur scène encore cette musique? J'aime beaucoup les deux. Surtout qu'on la joue très différemment sur scène. C'est-à-dire? Faut venir voir ce soir. Eh ben, on n'y manquera pas. Merci beaucoup, Procope, d'avoir fait un détour par les studios de France Bleu Alsace. Merci d'avoir été aujourd'hui. Très plaisir. Notre Alsacien formidable, passé une excellente journée et bon concert. Donc ce soir, c'est à quelle heure? Tenez juste à la laiterie. 20h. 20h, et ben voilà, on a noté. Il reste des places, vous savez ou pas? Oui, non, il me semble. Aux dernières nouvelles. Foncez-y, vous découvrirez. Pas beaucoup. tout dernier instant pour acheter vos places. Vous découvrirez. Un musicien alsacien récompensé au Hopla Awards et notre Alsacien formidable ce matin, Procope. Merci beaucoup Hubert Desmarais. Et oui, on vous invite à aller découvrir Procope peut-être à la laiterie et puis son clip également Rust on the Dew sur les sites internet que vous connaissez. Vous retrouvez tous les jours un nouvel Alsacien formidable au micro d'Hubert Desmarais dans la matinale et puis sur francebleu.fr Alsace. Vous avez peut-être l'impression de tourner en rond avec Christophe Willem qui arrive très rapidement. Si vous êtes en voiture, on fait le point sur le trafic dans quelques minutes sur France Bleu Alsace. Mais d'abord, on tourne en rond avec Christophe Willem. Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants. Seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi. J'oublie mon rôle sans toi. Et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir auprès de moi. Parti cheveux en bataille. Faut voir comment je déraille. Comment je perds mon sang, froid en un instant. Tire autour de mes failles, comme une ceinture de samouraï. Et moi qui cède sûrement à l'appel du vent. Sur France Bleu Alsace. Le grand repas se célèbre aussi en Alsace et vous pouvez compter sur France Bleu Alsace justement pour vous le faire vivre avec celles et ceux qui le font, qui travaillent, qui cuisinent et pas uniquement celles et ceux qui dégustent. Le grand repas, si vous ne connaissez pas, le principe est simple. Une fois par an, l'association Le Grand Repas fédère les professionnels de la restauration, des restos classiques et des restos collectifs pour proposer le même menu partout. Le menu, il est décidé par région et en Alsace, on va déguster des Grumberer Kischle, de la choucroute et puis des tartes Streusel aux pommes. Caroline Pommel, notre reporter de la matinale, sera avec les cuisiniers de la cantine du collège Édouard Churet de Bar demain matin dès 7h sur France Bleu Alsace. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, oh, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Alsace, ici, on parle d'ici. Le point sur vos conditions de circulation, il est 16h31 sur France Bleu Alsace. C'est le point le plus important en ce moment, ce début d'après-midi, c'est sur la 36, dans le sens Mulhouse-Belfort. Ça bouchonne à partir de l'aire de la Porte d'Alsace, et ça sur plusieurs kilomètres. Pour l'instant, on ne connaît pas la cause de ce ralentissement, mais vous êtes nos patrouilleurs sur France Bleu Alsace, donc 03 88 25 02 02 pour nous donner des informations si jamais vous êtes témoin, soit de l'incident, du ralentissement, de l'accident éventuellement qui serait à la cause de ce ralentissement. Il y a également un ralentissement quand vous sortez de Saint-Louis, quand vous arrivez de Bâle, vous sortez de Saint-Louis sur la 35 au niveau de la gare de Saint-Louis. La chaussée, c'est un petit ralentissement pour l'instant, mais qui pourrait s'agrandir sur la la fin de l'après-midi, donc n'hésitez pas à prendre les itinéraires de délestage. En revanche, sur le reste du territoire alsacien, c'est plutôt au vert, c'est un petit ralentissement quand vous sortez d'Ilkirch-Graffenstaden en direction de Fegersheim au niveau de l'échangeur entre les deux nationales, la N83 et la N353. Et ça bouchonne aussi légèrement sur la 35 entre la sortie numéro 1 et la sortie numéro 2 dans le sens Strasbourg-Paris, juste avant de rejoindre la 4, donc quand vous arrivez dans le sens sud-nord. Voilà, vous êtes témoin d'un ralentissement. Je rappelle le numéro des patrouilleurs, 03 88 25 02 02. Le 16-19, le 16-19 sur France Bleu Alsace. Véronique Herbreteau est notre conférencière indépendante sur France Bleu Alsace. Aujourd'hui, elle nous fait découvrir la route des vins un petit peu autrement. Une balade à faire en famille pour ce week-end. Aujourd'hui, je vous propose une idée de balade pour ce week-end. Suivez votre guide. Les balades de Véro. Pour sa 4e édition, le fascinant week-end en vignoble et découverte propose du 19 au 22 octobre, c'est mon anniversaire le 22, de mettre à l'honneur la route des vins d'Alsace. À travers près d'une centaine d'activités, vous découvrirez la diversité et la richesse des activités proposé autour du vignoble. Initié par Alsace Destination Tourisme, c'est le rendez-vous de l'onotourisme en Alsace, mais aussi partout en France. À votre santé. Toutes les activités sont à découvrir sur le site de la route du vin d'Alsace. N'oubliez pas que notre route célèbre cette année ses 70 ans avec une santé de jeune fille. Alors évidemment, en tant que guide conférencière, je guide très régulièrement sur les 170 km de la route du vin entre Marlenheim et Thann. La route traverse 119 communes viticoles où plus de 720 producteurs vous accueillent. Et de mon côté, je vous propose, lors de ce week-end, une visite tout à fait insolite. Mon apéroculture, qui est la découverte de l'histoire cachée du vin à Strasbourg, notre belle capitale alsacienne. Titulaire du label Vignoble et Découverte, je vous suggère une balade, cette fois-ci en réel. Tous les secrets de l'histoire du vin à Strasbourg vous y seront dévoilés, dans une ambiance conviviale et sympathique. Vous avez le choix entre 3 visites d'une heure environ, de 18 à 19h, c'est jeudi, vendredi et samedi. À demain et portez-vous bien. Merci beaucoup Véronique Herbreteau. On vous retrouve tous les jours sur France Bleu Alsace et également si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, direction francebleu.fr/Alsace. L'après-midi se poursuit sur France Bleu Alsace avec Toi mon amour, Marc Lavoine. Toi, mon amour, Marc Lavoine sur France Bleu Alsace. Ça a été le sujet d'à peu près toutes les discussions de la machine à café aujourd'hui. Ah, il fait un petit peu plus froid, hein, ça se rafraîchit. Mais alors, comment on le dit en alsacien ? Salut Jonathan Val. Salut Bissom. Ça y est, Marcin Sovic, tout le monde a râlé. Tout le monde, ouais. En octobre, tout le monde a râlé. Ouais, il fait 30 degrés, on est en octobre. Et paf, maintenant, faut gratter le pare-brise. 4 degrés le matin, hein, voire moins. Alors c'est bon, on a ce qu'on veut, hein. Enfin, un temps d'automne. Et on peut dire que ça s'est rafraîchi. En alsacien, on dira « es wird frischer ».« Es wird », ça devient « frischer ». De friche qui veut dire frais, donc fraîcheur, plus frais. Et quand ça devient plus frais, c'est que ça se rafraîchit. Alors vous remarquerez bien que je dis que ça se rafraîchit et non pas qu'il fait froid, car en Alsace on dit kalt ist im Winter, froid c'est en hiver. Donc c'est à partir du 22 décembre, on a encore 2 mois et 4 jours à attendre. Et alors j'en vois déjà maintenant avec 3 couches de pull, je ne sais pas comment ils vont faire quand il fera vraiment froid. Denn sich nume frischer, jusqu'à présent ça s'est juste rafraîchi. Assis frais en vous. Moi, j'ai quand même un petit peu froid. Hein. Je suis désolée, Jonathan Val, même si on peut dire qu'il ne fait que se rafraîchir pour l'instant. Jonathan Val, on le retrouve tous les jours sur France Bleu Alsace. Et puis également, vous retrouvez ce mot du jour sur FranceBleu.fr Alsace. Say it ain't no joke. Ça aussi, c'est difficile à dire, ça, même en milieu d'après-midi. Hein. Murrayhead, vous écoutez France Bleu Alsace. So, Joe, please say it ain't so. That's not what I wanna hear, Joe, and I got a right to know. Say it ain't so, Joe, please say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please tell us it ain't so. They told us that our hero, the ladies' trump card. Say It Ain't So Joe Murrayhead, vous écoutez toujours France Bleu Alsace. Dans quelques minutes, on découvrira des nouveautés sur le numérique, notamment comment bien réparer ses appareils avec Fanny Malek. France Bleu Alsace, 11h midi, c'est l'heure du ding. Tous les jours, venez jouer et tentez de trouver l'énigme du ding. Est-ce qu'on a la réponse, Arnaud, là? Et c'est gagné, Christine! Oui! Les plus beaux cadeaux sont à gagner chaque semaine. C'est vrai que le troisième indice, ça m'a dérouté par rapport à la scintillance, mais la scintillance, ça m'a empêché de dormir cette nuit. Eh, faut pas vous mettre dans des états comme ça. Il se creuse la tête, hein! Le ding, le jeu qui vous empêche de dormir! Ça te dit de faire un tour au salon des gastronomes? Il a changé de nom. Il s'appelle désormais Au Vignoble. Au programme, toujours des producteurs artisans qui nous font découvrir et déguster leurs produits. Un vrai tour de France des régions. Et on profite en plus de prix producteurs. Rendez-vous au Parc Expo de Colmar du 20 au 22 octobre. Sigoland vous invite au Mexique pour le Dia de los Muertos. Des décors, un jeu de piste, des ateliers et le spectacle exclusif adapté aux plus petits, El Sueño de Leo. Rendez-vous pour un nouveau voyage fantastique entre Citrouille et Calaveras au parc Sigoland d'Alsace du 21 octobre au 5 novembre. Info sigoland.fr. Faites le plein de vitamines avec les pommes d'Alsace. Les pommiculteurs d'Alsace partagent la même éthique. Produire des fruits sains avec des méthodes de production respectueuses de l'environnement et de la biodiversité dans les vergers. C'est pour cela qu'ils sont certifiés vergers éco-responsables. Parmi les variétés, la Nati, une pomme alsacienne au caractère bien trempé, savoureuse, croquante, au goût sucré et légèrement acidulé, elle vous apportera de la couleur cet hiver. Les fruits et légumes d'Alsace, plus près, plus frais, plus vrais. Le 16-19, le 16-19 sur France Bleu Alsace. En ce moment, ce sont les premières journées nationales de la réparation et Fanny Malek nous donne des bonnes astuces. Alors dites-nous, que faire pour prolonger la vie de son ordinateur portable? Car j'ai appris que la durée moyenne d'un ordinateur, elle serait quand même assez faible, entre 3 à 5 ans. Bonsoir Fanny. 3 à 5 ans? Ces chiffres m'ont vraiment agacée. Mais pourquoi est-ce qu'on produit encore des objets qui tiennent si peu? Est-ce que les gens jouent au frisbee avec? Ou bien l'obsolescence programmée aurait-elle encore frappé? Bon, je pense qu'on a tous la réponse. À la bonne heure, la durée d'un ordinateur fixe, elle, serait de 8 ans. C'est déjà un peu plus long que l'ordinateur portable. Ça veut aussi dire qu'avant d'en acheter un neuf, on a intérêt à le faire réparer. Et surtout, à le bichonner. Bonjour Fanny, je suis ton ordinateur préféré. C'est vrai, j'aime bien quand tu me bichonnes. Mais moi aussi, j'aime bien te bichonner, Paul. Oui, j'ai surnommé mon ordinateur Paul, ça le rend plus sympathique. Voici quelques astuces pour faire vivre votre ordi plus longtemps, quel que soit son modèle. Déjà, l'entretien, c'est la clé. Il faut le dépoussiérer régulièrement, sinon la saleté peut l'endommager. Fanny, n'oublie pas de parler des produits ménagers. J'ai horreur de ça. Ah oui, merci pour le rappel. Oui, attention, si vous nettoyez l'écran et le clavier, évitez les produits ménagers agressifs. Un chiffon doux, ça suffit et c'est moins abrasif. Autre petit conseil, votre ordinateur, il n'aime pas trop la chaleur. Hein. Gardez-le dans un endroit frais. Si c'est un ordi portable, évitez de l'utiliser sur le lit ou sur le canapé, même si je sais qu'on y est bien. Ne l'utilisez pas non plus à l'intérieur de votre voiture en plein cagnard, ni dans votre four, évidemment, ça n'est pas adapté. Le numérique, ça s'explique. Vous n'avez pas non plus besoin de le laisser charger en permanence. C'est comme si vous preniez café sur café sur café. Ne branchez votre ordi portable que s'il en a vraiment besoin. Et éteignez-le quand vous ne l'utilisez pas. Pensez aussi à fermer les logiciels que vous n'utilisez plus, justement. Ça lui demandera moins d'efforts. Je confirme. Ah, on est d'accord, Paul. Enfin, essayez aussi de faire ces mises à jour régulièrement. Je sais, il y en a toutes les deux secondes, mais ça permet d'augmenter la sécurité de votre ordinateur. Avec tout ça, si votre ordi ne tient pas 10 ans, on ira rouspéter auprès des fabricants. Merci beaucoup Fanny Malek, on retrouve le numérique, ça s'explique sur francebleu.fr et également sur l'application ICI. Le salon du chocolat et des gourmandises, voilà un sujet qui non seulement nous fait saliver, mais surtout a bien inspiré Bernadette et Jean-Claude, nos humoristes de la matinale. Ils arrivent après Stéphane Echer et son titre « Two people in a room ». Vous écoutez à France Bleu Alsace. Spill my love, it's just vulnerable. cut down to the bone. Leave me all alone. Cause a knife is too sharp, a knife is too sharp, baby. It didn't make you, you took away my blues. But I don't wanna find love with you. Cause one day, I'll sing the same sad song for you. Two people in a room, two pieces of my heart. Just like me, but here they come, these waves of fear. Cause I know one day I'll sing the same sad song for you. One day I'll sing the same sad song for you, for you. Cher, merci d'avoir choisi de passer votre après-midi sur France Bleu Alsace. Et eux, ils animent France Bleu Alsace tous les matins, Bernadette et Jean-Claude. Et en plus de nous donner faim avec le Salon du Chocolat, ils nous font rire. Bonjour madame, bienvenue au Salon du Chocolat de Colmar. Bonjour. Alors, amatrice de chocolat. Non, je viens pour le quartier. Qu'est-ce qu'on cherche? Plutôt du lait, plutôt du noir? On est plutôt sur du 70%, du 80%, du 200% de chocolat, vous de cacao. Vous parlez du chocolat maintenant, autre vos. Ben oui, pourquoi? Ah non, mais vous dites du lait, autre tu dois, autre tu. Ah, du lait. Ah non, du lait, du noir. Oui, non, mais c'est plutôt du chocolat. Au lait, du chocolat noir, plutôt non, avec des noisettes. Je mange pas tellement, je veux juste regarder. Ah, très bien, parce que ça a beaucoup de vertus, le chocolat, qu'est-ce vous que savez. Ça, fait ça donne du magnésium, c'est bon pour la mémoire. Oh. On dit souvent pour les étudiants, voilà, hop, croquer du chocolat, ça ah redonne oui. Le moral, ça vous donne pas le moral, le chocolat. Bah non, moi je mange pas, j'aime pas le goût, j'ai le droit de regarder. C'est, je suis venu pour mon vieux. Oui, votre il avait un anniversaire, je lui ai dit, qu'est-ce que je te prends, tes truffes, tes pralinés? Ouais. Donc, alors sinon, j'ai les petits sarments d'orange entourés de chocolat noir, ça c'est très bon. Non, lui, il veut pas nix mettre orange. Là, vous avez du chocolat de couverture, ce qu'on appelle du chocolat de couverture. Eh bien, c'est du chocolat pour faire les gâteaux, pour faire les mousses, pour faire les fondus au chocolat. Oui, mais voilà. Oh yes, je me parlais pas de ça. Voisine, elle en a une, mais à chaque fois, j'ai l'impression, enfin, écoute, quand ça dégouline comme ça, moi, ça me rappelle autre chose. Hein. Ouais. Alors sinon, peut-être avec des noisettes, des des cacahuètes. Non, le vieux, il a des implants, il a un appareil qui tient pas bien le matin, s'il bouffe tes noisettes, on est chez le dentiste. J'ai un très bon chocolat au caramel beurre salé. Ça, c'est très tendance, le beurre salé. Beurre salé, c'est quand on mange des huîtres, on le tourne. Oui, donc en fait, vous voulez pas de chocolat, vous n'avez pas plein de chocolat. Je suis, mais depuis le début, je vous dis, je suis venu regarder l'autre, il essaie de me fourquer du chocolat. J'aime pas ça. Bon, alors, allez juste en face, il y a des pâtes de fruits. J'aime pas non plus pas. J'y veux du regarder. Elle est venue juste regarder, enfin c'est pourtant clair, retrouver tous les jours Bernadette et Jean-Claude dans la matinale et puis également sur francebleu.fr/Alsace. Optimistique, moi, je ne savais pas que c'était un verbe, c'est une invention de Mylène Farmer, moi aussi j'ai envie d'être optimistiqué. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le conjuguer. Vous écoutez France Bleu Alsace et donc Mylène Farmer, optimistique moi. Bonne écoute. Mylène Farmer, me voilà bien nomistiquée. Merci beaucoup Mylène Farmer, vous écoutez toujours France Bleu Alsace. Elles ont un pouvoir qui n'est pas insoupçonné pour les connaisseurs, mais que nous, pauvres communs des mortels, on ne connaît pas forcément. Je parle des graines et drôles de graines, c'est le sujet de l'émission. Bienvenue chez vous demain à partir de 10h. Alors rendez-vous sur France Bleu Alsace, tout simplement, pour écouter Isabelle Chalaï et qui recevra Elia Eberli. Quand vient la nuit noire, le programmateur de France Bleu a carte blanche. France Bleu Collector. C'est nos limites. Sur les pépites. France Bleu Collector, le son qui met tout le monde d'accord. Tous les soirs, dès 23h. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. Les gentils monstres et sorcières s'invitent au parc animalier de Sainte-Croix. Pendant les vacances de la Toussaint, Sainte-Croix met à l'honneur les créatures fantastiques et vous réserve des aventures monstrueusement amusantes. Nouveaux spectacles et jeux de piste, maquillage effrayant, repas des animaux avec des citrouilles. À Rhodes en Moselle, dans le cadre du festival Bêtes et Sorcières, à 1h de Metz, Nancy et Strasbourg. Promotion web exclusive pour tout achat de billets en ligne. Conditions et réservations sur parcsainte-croix.com. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Alsace. Et France Bleu Alsace, il est 17h. Le point sur l'information avec Chloé Geffroy. Les passagers de l'aéroport de Strasbourg ont dû s'armer de patience aujourd'hui. Évacués pendant 3 heures en raison d'une alerte à la bombe. Il s'est d'ailleurs passé la même chose dans 8 autres aéroports français. Sur place, les démineurs ont fait le travail et les voyageurs ont pu rejoindre l'intérieur de l'aérogare vers 15h. Au total, 3 vols ont été retardés, un seul annulé, le Strasbourg-Bordeaux. Autre alerte à la bombe ce matin à Strasbourg et autre évacuation, celle du centre commercial Rive-Étoile. Un sac à dos suspect a été pris en charge par les démineurs. À Paris, c'est le château de Versailles qui a été évacué ce matin pour la 3e fois depuis samedi. 357 élèves ont perturbé l'hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty lundi. Dernier bilan du ministère de l'Éducation nationale. Gabriel Attal avait annoncé hier un premier bilan de 179 perturbations. L'assaillant de l'attentat dans un lycée d'Arras, lui, a été mis en examen pour assassinat terroriste et placé en détention provisoire. Depuis l'attaque du Hamas contre Israël, 24 Français sont morts et 7 sont toujours portés disparus, probablement retenus en otage dans la bande de Gaza, annonce de la première ministre Elisabeth Borne cet après-midi devant le Sénat. L'autre information qu'elle a donnée, c'est le rapatriement de 3500 Français d'Israël. Un rapatriement pour fuir la guerre et ses horreurs. Au moins 471 personnes sont mortes dans l'explosion d'un des plus anciens hôpitaux de Gaza hier soir. C'est le nouveau bilan du Hamas qui accuse Israël d'être l'auteur de ce drame. Les deux partie se rejette la faute. Depuis, beaucoup de réactions dans le monde musulman. La Turquie va décréter 3 jours de deuil national. De son côté, Joe Biden, le président américain, assure soutenir Israël. Il est actuellement dans le pays. Selon le président américain, des images aériennes et des communications mettent Israël hors de cause. Israël qui annonce autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. C'est fait. Le grand sapin du marché de Noël de Strasbourg a été coupé ce matin dans le massif vosgien. 30 mètres de haut, 7 tonnes, un beau bébé. Chaque année, le rituel est le même. L'arbre est attendu mardi prochain, place Kléber. Sa photo est à retrouver sur notre site francebleu.fr. Et on fait le point sur la météo ce soir. Et oui, pour savoir ce qui va accueillir le beau sapin de Noël, ciel gris et risque d'averse, c'est ce qui va se poursuivre jusqu'à cette nuit en Alsace. Le risque est qualifié de rare, je le précise, mais bon, quand on est sous la pluie, on n'a pas vraiment l'impression que les gouttes sont rares. Alors voilà, soyez prudents au risque d'averse qui risque d'averser, arriver, pardon, si vous avez l'intention de sortir. Côté Mercure, il fait 9 degrés à Sarre-Union, c'est la minimale, 10 degrés à Zellwiller et Aubernais, 12 à Neubrisac et Villette, 13 à Schirmeck, 14 à Wissembourg et Ferret. Et puis la maximale, c'est du côté de Sels avec 15 degrés. La météo 100% locale avec Trèfle Vert. Un réseau de 11 jardineries rurales en Alsace. Des conseils d'experts pour jardiner au naturel et consommer local. Info sur trèflevert.com. Le point sur vos conditions de circulation en Alsace. On commence avec Yannick au Sirac. Bonsoir Yannick. Bonsoir Marion. Et ça se charge un peu, hein? Oui, ça se charge effectivement un petit peu, notamment sur les voies rapides urbaines et plus particulièrement sur la M35. Donc vous avez du monde depuis dans les deux sens de circulation sur la M35 entre Baguerzet et le virage de Cronenbourg. Donc ça se charge bien à ce niveau-là. Sur le reste des voies rapides urbaines, c'est plutôt calme pour l'instant. Il y a un petit peu de monde dans la descente de l'échangeur de Baguerzet en direction de la M468 pour Ilkirch. Ensuite, sur le reste du réseau urbain, vous avez du monde dans le secteur ouest, donc entre sur la route des Romains, entre avec Bolsheim et Strasbourg. Un peu de monde également sur la route de Schirmeck entre Lingolsheim et Strasbourg. Sur les quartiers nord, vous avez un peu de monde sur l'avenue des Vosges en direction de la place de Haguenau pour reprendre les autoroutes. Sur l'avenue du Rhin, c'est notamment dans le sens Allemagne-France où ça se charge. Il faut compter actuellement 11 minutes pour faire ce trajet. Au niveau du sud, secteur sud de la Méno, vous avez du monde sur la plaine des Bouchers en direction de la Montagne Verte. Voilà. Et puis sur les parkings à Strasbourg, on a juste le parking Woody qui est complet. Le reste, il y a de la place partout. Merci beaucoup Yannick et à tout à l'heure au CIRAC pour faire le point sur vos conditions de circulation tout simplement. On continue en partant un tout petit peu plus vers le nord, nous, nos conditions de circulation dans le reste de l'Alsace. Sur la 4, juste après l'échangeur de Heurt, c'est bien chargé en direction de Brumath dans le sens Strasbourg-Brumath. C'est également chargé après une zone de travaux sur la 35 dans la direction Strasbourg-Lauterbourg. C'est au niveau de Dofendorf, de Gamsheim plus particulièrement. Après cette zone de travaux, ça s'est bien ralenti. Donc quand vous arrivez depuis Vendenheim jusqu'à Lauterbourg. Si on redescend dans le sud, c'est de nouveau chargé sur l'agglomération de Saint-Louis. Quand vous arrivez depuis la Suisse ou depuis Saint-Louis, que vous remontez vers Mulhouse, de nombreux ralentissements, notamment juste au niveau de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, et également ce ralentissement qui nous avait été signalé dans la direction Mulhouse-Belfort lié à des travaux. Le ralentissement qui était sur cette A36, c'est quand même bien résorbé. Il reste un tout petit peu de ralentissement, mais rien de très grave. C'est lié à des travaux et qui réduisent le nombre de voies. Vous êtes nos patrouilleurs sur France Bleu Alsace, 03 88 25 02 02 si vous êtes témoin d'un incident, d'un accident ou d'un ralentissement. Je rappelle le numéro 03 88 25 15 15. Le 16-19, le 16-19 sur France Bleu Alsace. Et bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi de passer votre après-midi sur France Bleu Alsace. Cette émission sur le thème de l'humour, elle se poursuit dans la bonne humeur, évidemment, avec Anthony Cavana qui est happy, heureux quoi. Happy, c'est le nom de son nouveau spectacle. Il jouera le samedi 21 octobre au Moulin Neuf à Niederbronn-les-Bains et il est mon invité à 17h30. Juste avant, j'ai deux places pour aller applaudir l'humoriste Franjo. Un spectacle à voir à Mulhouse mercredi prochain et que j'ai à vous faire gagner donc ces deux places. Alors en attendant, le festival Cinoche, le festival de cinéma jeunesse, commence aujourd'hui au Centre culturel La Passerelle à Rixheim du côté de Mulhouse. Programmation pour les tout-petits à partir de 3 ans, programmation pour les presque grands à partir de 6 ans et programmation pour les plus grands à partir de 12 ans, le tout accompagné d'événements sympathiques à vivre en famille pendant les vacances de la Toussaint. Jérôme Joran sera avec nous pour nous en parler, c'est notre rendez-vous du cinéma du mercredi. Bon plan, cadeau, bonne humeur et Phil Collins, Can't Stop Loving You. Voilà ce qui arrive sur France Bleu Alsace. Merci de nous écouter et de passer l'après-midi en notre compagnie. Your leaving smile. Stop Loving You, Phil Collins sur France Bleu Alsace. Le 16-19, le 16-19 sur France Bleu Alsace. Et comme tous les mercredis, on découvre une idée de sortie ciné, puisque évidemment le mercredi, c'est cinéma sur France Bleu Alsace. Je suis avec Jérôme Joran du Centre culturel La Passerelle. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Alors vous êtes venu nous parler ce soir déjà d'un film évidemment et puis surtout d'un festival qui va se tenir à La Passerelle. Exactement. Ce soir en fait j'avais envie de mettre un petit peu en avant un film qui est un peu notre coup de cœur du festival qui s'appelle Linda veut du poulet, un film d'animation de Cara Malta et Sébastien Laudenbach qui avait déjà fait un film d'animation qui était magnifique qui s'appelait La jeune fille sans main. Et donc là, ça s'adresse aux enfants plutôt à partir de 6 ans, c'est plutôt voilà vraiment au jeune public. Pour donner une petite idée, on peut passer un bout de la bande-annonce. Bien sûr, allez, avec plaisir. Linda, rentre immédiatement. T'es une voleuse, Linda, et une menteuse. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a qu'elle est punie, alors elle va dormir chez toi. Hein ? C'est ça la punition ? C'est ça le dîner ? Tu veux quoi, des surgelés comme chez ta mère ? Je suis pas une menteuse. J'étais très injuste, pardon Linda. Tu peux me demander tout ce que tu veux ? C'est du poulet que je voudrais, avec des poivrons. Du poulet au poivron ? Et le pollo con il pepperoni. Poulet papa. On va se le faire ce poulet au poivron ! Allez, fonce ! Une belle aventure, tout ça pour trouver un poulet et surtout pour le faire au poivron. C'est très important pour Linda. Et pourquoi c'est important pour Linda, Jérôme ? Parce que c'est la recette que son papa, qu'elle a perdue, lui faisait quand elle était petite. Et en fait, comme on l'entend au début de la bande-annonce, sa maman pense qu'elle a fait une bêtise. Et pour se faire pardonner, parce qu'elle se rend compte que finalement, elle n'a pas fait de bêtise, elle s'engage à lui faire cette fameuse recette. Et malheureusement, c'est jour de grève. Et donc, il y a toute une aventure, une déambulation à travers le quartier et un peu autour de chez eux pour trouver ce fameux poulet. C'est très drôle. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de sensibilité. On aborde des sujets particuliers comme le deuil, comme l'entraide sociale, puisque ça se passe aussi dans le quartier où vivent Linda et sa maman. Et surtout, la particularité aussi du film, c'est son graphisme, qui est vraiment très original, puisque chaque personnage a une couleur bien particulière. Linda, par exemple, elle est toute jaune. Sa maman est en vert. Il y a d'autres personnages qui sont colorés en bleu. Et donc, ça donne une tonalité vraiment particulière au film qu'on n'avait jamais vu avant. Savoir si elle arrive à le faire ou pas son poulet. Exactement. Je ne dévoilerai pas la fin de l'histoire. Mais c'est un film parmi une programmation assez riche pour ce festival. Ouais. Exactement, donc on a une vingtaine de films avec des films pour les tout petits, notamment Les Tout Rouges et Les Tout Bleus qui sont issus des albums de Axel Scheffler et Julia Donaldson, Collar Gold, L'Ours qui chante, qui fait son grand retour au cinéma après des années de télé dans les années 70. Ça c'est des choses que j'ai découvert moi quand j'étais enfant. On a des choses pour les plus grands, donc je parlais de Linda veut du poulet, on a une autre héroïne qui s'appelle Nina et un autre film qui s'appelle Nina et le secret du hérisson avec une héroïne aussi, où là c'est on retrouve l'univers d'Alain Gagnol et Jean-Louis Felicioli qui avaient fait Une vie de chat et Phantom Boy, et pareil c'est une histoire fabuleuse, une belle aventure aussi. On a l'avant-première du prochain Miyazaki, Le garçon et le héron. Que vous dire d'autre ? C'est un programme très riche et qu'il faut à tout prix aller regarder sur votre site internet, tout simplement, j'ai l'impression. Exactement. Et tout autour de ces films, on a aussi ce qu'on appelle les plus du festival, donc des ateliers d'initiation à la réalité augmentée, un atelier de doublage. Et la grosse nouveauté dont je voulais vous parler, c'est la chasse aux films mystères. Et ça, c'est un concept qu'on a inventé pour Cinoche. Et l'idée, c'est de démarrer du cinéma à La Passerelle et d'emmener les gens dans un lieu insolite à travers un espèce de jeu de piste et de leur présenter un film en avant-première qui est un gros morceau qui sortira au début de l'année prochaine. Donc là, c'est vraiment une belle avant-première. Il nous reste des places. C'est dimanche 22 octobre à partir de 16h l'après-midi. Et voilà, ça va être une grosse rigolade parce que là, on vous a vraiment concocté une belle aventure et il nous reste des places. Donc les gens n'hésitent pas à venir s'inscrire à La Passerelle pour participer à cette chasse au film mystère. Le festival Cinoche, le festival du film du ciné jeunesse à Rixheim, donc à côté de Mulhouse. Il commence aujourd'hui, donc en fin d'après-midi, et puis il va durer tout au long des vacances de la Toussaint. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir été avec nous pour nous présenter ce film. Merci à vous, à très bientôt. À très bientôt sur France Bleu Alsace. Et vous, vous avez peut-être envie d'aller voir Linda veut du poulet, ce film pendant le festival Cinoche à Rixheim. Eh bien, avec quels légumes veut-elle faire son poulet? Vous l'avez entendu, avec quels légumes veut-elle faire son poulet, Linda, dans le film Linda veut du poulet? Vous avez la réponse. 03 88 25 15 15. Le 6-9 France Bleu Alsace, Hubert Desmarais. Et je ne suis pas seul dès 6h. Tenez, il y a la détendue Magali Fichter. Je sais pas, mais moi je suis pas empathique avec les trottinettes électriques. Il y a Caroline Paul qui se balade. Tendez l'oreille. Tiens, je vais vous faire écouter des bruits ce matin. Alors ça, c'est la chaîne qui permet d'ouvrir la porte de la grange. Une fois dans les lieux, vous y croiserez Bernadette et Jean-Claude, nos humoristes, et Jean-Philippe Pierre. Hey, c'est le ding, et tout de suite, après virage. Rajoutez à ça Pierre Nuss et Jonathan Val en alsacien. Si je ben, il est un four, non, c'est un trottoir fine. Une bien belle équipe, alors rendez-vous demain matin, dès 6h. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants ? Et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec les invités, pédiatres, psychologues et chercheurs, pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique, à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. Jeudi, vendredi et samedi, les artisans bouchers charcutiers, traiteurs d'Alsace, sont solidaires de votre pouvoir d'achat. Pendant ces 3 jours, et à partir de 40 euros d'achat, une palette fumée d'environ 1 kg vous sera offerte par votre artisan affichant l'opération. Retrouvez-les sur www.boucherie-charcuterie-alsace.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. J'ai 2 places pour l'humoriste Franjo à gagner juste après. Mieux comme ça, Stéphane. J'ai commencé par enlever ta photo qui s'affichait au-dessus de ton numéro. Où t'avais ce sourire subtil, moitié de face, moitié de profil, prise au hasard dans ce resto. Il m'a fallu ôter ma bague, passer l'or de tes plans drague. Où t'avais fini par me séduire de ces longues heures et de ces fous rires et tes regards entre deux blagues. Mais... les jours ont filé en moins de 2. La flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? Comme ça. Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça. C'est fou, mais partout je passe, je peux encore te suivre à la trace. Chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe, je ressens ton reflet dans la glace. J'ai encore tes graines dans mes placards, tes laines dans mes armoires, tes crèmes dans mes tiroirs, tes scènes dans ma mémoire, et tes peines dans mes cauchemars. Les jours ont filé en moins de 2. La flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça. Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas moi. C'est mort, est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça. Mieux comme ça, Stéphane et Petit Cas sur France Bleu Alsace.

tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinis vendanges. Les formules magiques des marabouts d'Afrique. Je dirai sans pour que tu m'aimes encore. C'était le collecteur choisi par Nicolas Lespaul pour à retrouver d'ailleurs tous ces collecteurs sur francebleu.fr. Et nous félicitons d'ailleurs Patrick qui a réussi à gagner les deux places pour voir l'humoriste Franjo. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors je vous ai posé la question, dans quel comédie club parisien s'est-il fait connaître cet humoriste Franjo? Bah, j'ai pensé au plus connu, c'est le Jamel Comedy Club. Eh bien, c'est exactement ça. J'entends du coup que vous ne connaissiez pas trop Franjo. Non, effectivement. Je viens de faire connaissance il y a 10 minutes là, avec les 2-3 extraits que vous avez passés. Eh bien, ça sera l'occasion de découvrir. Vous savez déjà avec qui vous allez pouvoir y aller? Oui, j'ai un voisin qui est un copain, on va y aller ensemble. Ah bah ça va être une très belle soirée entre copains. Donc c'est le mercredi prochain, le 25 octobre, au Théâtre de la Cine à Mulhouse. Merci beaucoup Patrick, et puis félicitations. Merci, bonne journée. Bonne journée, bonne fin de soirée, au revoir Patrick. Quant à nous, on va continuer dans quelques minutes, on va recevoir Anthony Cavana. Alors restez bien à l'écoute de France Bleu Alsace. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur MAF.fr. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bon, mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20€ au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Waouh ! 60 ans de plaisir et d'émotions partagées. Ça se fête ! À l'occasion de ses 60 ans, la chocolaterie Daniel Stoffel souhaite remercier tous les gourmands depuis 3 générations. Jusqu'au 31 octobre, laissez-vous tenter et plongez dans l'univers Daniel Stoffel. Des cadeaux, des animations et 15% de remise immédiate vous attendent dans nos 3 magasins à Haguenau, Ribeauvillé et Shopping Promenade, ainsi que notre boutique en ligne. Plus d'infos sur daniel-stoffel.fr. Daniel Stoffel, créateur de moments d'émotion. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Alsace, ici, on parle d'ici. Et en ce milieu d'après-midi, on fait un point rapide sur le trafic. Il y a toujours ce ralentissement quand vous arrivez de la Suisse ou de Saint-Louis, juste à la sortie de Saint-Louis sur l'A35. Il y a également un ralentissement très rapide quand vous arrivez sur Mulhouse, sur l'A36. Quand vous vous arrivez vraiment, vous traversez Mulhouse, vous avez un petit ralentissement. On ne sait pas encore à quoi il est dû, mais vous êtes nos patrouilleurs. Alors n'hésitez pas à nous prévenir si vous savez à quoi est dû ce ralentissement à l'entrée de Mulhouse quand on arrive de l'Allemagne, quand on arrive depuis l'Est, au 03 88 25 02 02. Vous êtes nos patrouilleurs sur France Bleu Alsace. Le reste de l'Alsace, ça reste plutôt au vert, en tout cas sur Colmar et sur Célestat aussi. Pas de gros ralentissements à vous signaler. En revanche, il y a un ralentissement plus imposant dans les deux sens de circulation sur la M35 au niveau de Ilkirch, particulièrement si vous arrivez d'Ilkirch et que vous remontez vers Strasbourg. Et un autre ralentissement un petit peu plus réduit quand vous arrivez de Strasbourg, mais à peu près sur la même zone. C'est bien bloqué aussi quand vous continuez sur la M35, quand vous allez jusqu'à la sortie vers Vendenheim, quand vous allez jusqu'à l'échangeur vers l'A4. C'est également ralenti quand vous arrivez du nord, quand vous êtes sur la M35 et que vous arrivez sur Strasbourg depuis le nord. Quand vous ressortez de Strasbourg, eh bien c'est bien bloqué jusqu'à Vendenheim et puis jusqu'à encore Brumath, hein. C'est des ralentissements assez classiques. Prenez votre mal en patience à la sortie du travail. Si vous avez d'autres ralentissements à nous signaler, vous êtes nos patrouilleurs. 03 88 25 02 02. Le 16-19, le 16-19 sur France Bleu Alsace. Et je vous l'annonce depuis le début de cette émission, Anthony Cavana nous fait le plaisir d'être avec nous sur France Bleu Alsace pour nous parler de son spectacle Happy qui sera en représentation le samedi 21 octobre au Moulin Neuf, c'est à Niederbronn-les-Bains. Bonsoir Anthony. Bonsoir, comment allez-vous? Mais ça va très l'Alsace. Bien. L'Alsace! Mais oui, l'Alsace! Yes! Si je vous mets au défi de prononcer n'importe quel nom de village, y arriverez-vous? Allez-y. Mais je ne peux pas vous les épeler, ce serait compliqué, mais il y a Scharachbergheim, c'est pas mal. Scharachbergheim. C'est un bon exercice pour rentrer sur scène. C'est peut-être que vous allez pouvoir ouvrir une carte en arrivant au Moulin Neuf et puis faire vos exercices de diction avant de rentrer sur scène. Grafenstaden, exactement. Vous avez tout en tête. Bon, vous êtes à Niederbronn-les-Bains, je vous le précise. Ne dites pas oui. Kirchgrafenstaden, quand vous arrivez au Moulin Neuf, il risquerait de mal le prendre. Niederbronn, est-ce que je me trompe, c'est entre Strasbourg et Mulhouse? À peu près, beaucoup de communes sont entre Strasbourg et Mulhouse en Alsace, mais oui, c'est à peu près ça, je vais vous l'accorder. Oui, c'est plus près de Strasbourg ou plus près de Mulhouse? Vous me posez une colle en termes de kilomètres. Je vous ai eu. Plus proche de Strasbourg. On me dit dans l'oreillette que c'est plus proche de Strasbourg. Merci beaucoup. Les Alsaciens, j'espère que vous serez là, content d'être de retour dans la région. J'imagine que tout le monde sera là. En tout cas, nous, on a hâte sur France Bleu Alsace. Vous parlez, j'ai lu avec grande attention votre dossier de presse, qu'on a besoin de rire en ce moment. C'est un petit peu ça le principe de votre spectacle. Bon, en même temps, c'est un spectacle d'humour. Hein. J'enfonce des portes ouvertes là. Oui, ben on a toujours besoin de rire, mais le spectacle s'appelle Happy, donc le thème c'est La joie, le bonheur. Oui, bravo. Ah, je suis 100%. Trop. Vous revenez la semaine prochaine. Le thème c'est le bonheur. Donc dans le spectacle, je parle des points communs qu'ont les gens heureux, parce que j'ai vous étudié. Vous nous avez ça, étudié. Oui, exactement. J'ai étudié à l'origine. Je voulais faire un spectacle qui allait parler où j'allais donner des trucs pour gérer ses émotions et puis apprendre à comprendre pourquoi on agit comme on agit. Il y a eu le congé forcé que tout le monde oublie, que tout le monde oublie maintenant. Et donc on a continué à créer. On s'est retrouvé, mais on s'est retrouvé avec un petit peu de d'angle. On s'est retrouvé avec 4 heures de show, donc on a dit OK, on va se concentrer sur le bonheur et puis tant mieux parce que ça répond très très bien. De quoi faire un deuxième spectacle finalement, là vous en aviez deux en un. Ben en fait j'ai fait une conférence avec l'autre partie qui restait. J'ai écrit une conférence justement pour assouvir ce besoin que j'avais et puis pour calmer la frustration parce que j'avais tellement de choses que je voulais dire. Donc mais dans ce spectacle là on se concentre sur le bonheur, on se concentre alors il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de rythme. On m'a dit que c'était Il y avait, on me l'a dit, mais on l'a écrit aussi, c'est fait exprès, mais les gens l'ont remarqué. Ce spectacle a l'ADN de mon tout premier spectacle. Ah, donc, vous revenez aux sources finalement. Il a l'ADN du tout premier spectacle, dans le sens qu'il il a le même rythme que le premier spectacle. Il y a le côté cartoonesque. Et en plus, il y a des clés. On donne des clés, les gens sortent du spectacle avec quelque chose en plus. C'est deux en un finalement. D'ailleurs, j'ai lu sur votre site internet, c'est un certain Jean-Yves qui vous a vu à Sosheim, donc en Alsace également, okay. Qui dit que c'est un spectacle qui devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Mais il est formidable ce Jean-Yves. Mais oui, j'en suis sûre. Je t'envoie une boîte de Doliprane gratos. Donc est-ce qu'on lance une campagne, Jean-Yves. Qu'est-ce qu'on peut faire Là, on lance un appel. Je compte sur vous que ça soit remboursé par la Sécu. J'irai faire le show partout en France, encore plus longtemps, avec grand plaisir. Et j'en parle dans le spectacle. Le pire, si les humoristes, on pouvait être remboursé par la Sécu, on pouvait être prescrit par les médecins, ce serait hyper intéressant. Et c'est le moment vraiment de lancer la campagne. Alors, vous venez de le dire, vous donnez des petites clés aussi, peut-être pour accéder un petit peu plus au bonheur. Ce que je vous propose, c'est que ces petites clés, vous les gardiez un petit peu en tête. On va passer à un titre, Under Pressure, Queen et David Bowie. Ça vous va ? Yes. Et puis on se retrouve juste après, très Anthony bon Cavana choix. Sur France Bleu Alsace. Très bon choix. Under Pressure, bravo. Queen et David Under Bowie. Under Pressure. Yes. Slashed and torn. secondes d'Under Pressure. Queen et David Bowie ne sera perdu sur France Bleu Alsace. Anthony Cavana nous fait l'honneur de venir nous parler de son spectacle Happy le samedi 21 octobre au Moulin Neuf à Niederbronn. Les bains, petit avant-goût. Quand tu vois un mec super moche avec une bombe atomique parce qu'il a dû la faire rigoler, puis quand je regarde les coupes ce soir, il y a des sacrés comiques dans la salle. J'ai décidé d'étudier ce que les gens heureux faisaient pour être happy. Si t'es con, tu vas attirer des gens cons. Si t'es gentil, tu vas attirer des gens gentils. Bref, si t'es entouré de cons, pose-toi des questions. Papa, on dit pas merde, on dit mince. Papa, on dit pas putain, on dit punaise. La dernière fois qu'elle m'a montré un de ses dessins, j'ai fait « Oh punaise, quelle grosse mince !» Allez, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça donne envie. Happy sera... Donc en spectacle le samedi 21 octobre au Moulin Neuf à Niederbronn, les bains. C'est toujours avec nous, Anthony ? Je suis toujours avec vous. Je suis là, en pleine forme. Merci de me recevoir. Mais ça nous fait très plaisir. J'en ai profité pour vérifier exactement Niederbronn les bains. Je vais y arriver. C'est au nord de Strasbourg. Ce n'est pas entre Strasbourg et Mulhouse. Figurez-vous qu'il y a une auditrice qui a appelé pour nous le préciser. Donc on ne se trompe pas sur les communes alsaciennes. C'était un test. Eh oui, mais bon, moi j'ai du mal avec les points cardinaux. Si vous voulez que je vous dise, est-ce que c'est au nord, à l'est, ou à l'ouest ? Je n'en sais rien. C'est en Alsace. Eh bien, mes Alsaciens seront là, mes Strasbourgeois sont là, même des gens de Mulhouse vont faire le trajet, j'en suis sûr. Ah ben, Colmar, venez, Strasbourg, venez, Mulhouse. Et venez. Vous avez une carte ouverte devant vous, Pas du tout. Bâle, venez, tous ces gens, venez, vous allez bien rigoler, on va se marrer pendant, allez, 1h45, on va se marrer. 1h45, c'est noté. Ouais. Bah on prend rendez-vous, en tout cas c'est le 21 octobre au Moulin Neuf, donc à Niederbronn-les-Bains, au nord de Strasbourg, au nord d'Aglo, même au nord de Reichshoffen. Je joue à Niederbronn-les-Bains, je suis vierge de Niederbronn. Bah ça va être, c'est très joli, comme toute l'Alsace, je vous assure. Alors on en parlait un tout petit peu avant la musique, vous proposez dans le spectacle, non seulement on rit, mais surtout on en sort avec des conseils pour être plus heureux. Vous en avez quelques-uns à nous donner là. Exactement, mais il y en avait un déjà que vous avez mis la chute de la vanne, mais un des premiers que je donne, c'est mais bien sûr pour être heureux, il faut s'aimer soi-même. Puis je dis, c'est très dur quand on m'a dit ça, je fais oui, mais c'est pas évident, s'aimer soi-même. Donc les gens heureux m'ont donné un truc. Ils m'ont dit, Anthony, pour y arriver, on va t'aider. Pour y arriver, fais ceci. Parle-toi comme si tu t'aimais. Parle-toi comme si tu t'aimais, parce qu'avec les autres, on est souvent hyper gentil. Ah, ça va, Julie, c'est beau ce que tu portes. Quentin, j'adore tes baskets. Ah, bon appétit, bonne journée. La, la, la, la, la, la, la. Et nous, on se parle comme si on était la dernière des ordures. Oh, yeah, c'est trop nul. Je suis trop moche. Je suis con. Je situe mal Niederbronn-les-Bains. C'est n'importe quoi. Je situe mal Niederbronn-les-Bains. Une belle grosse bouse fumante. Donc le bonheur, ça part de l'intérieur. Ça va vers l'extérieur. Tu attires ce que tu es et pas ce que tu veux. Et puis, vous avez sorti la chute, ça veut dire quoi? En gros, ben, si t'es con, ben, tu vas attirer des gens cons. Si t'es gentil, tu vas attirer des gentils. Bref, si t'es entouré de cons, pose-toi des questions. Voilà. Ben, je n'ai pas résisté à mettre cet extrait du spectacle. Mais vous avez bien fait. Ne résistez pas. Mais carpe oui. diem. Et ne résistez pas non plus à l'envie d'y aller. Vous allez avoir ce samedi 21 octobre Allez-y, au Moulin Neuf. Ruez-vous vers Niederbronn-les-Bains. Déjà avec un nom comme ça, Niederbronn-les-Bains. On a envie d'être propre, on a envie d'y aller, D'en sortir grandi, heureux. Vous allez sortir, c'est certain que vous allez sortir happy. C'est le but de l'opération, c'est déjà que vous passiez un bon moment, vous allez rigoler, ça va vous nettoyer la tête, vous allez oublier tous vos soucis, et puis vous sortez en plus avec j'ai des petits trucs pour améliorer un peu mon quotidien, c'est sympa ça. Et là je me mets à la place des auditeurs et auditrices, moi je vous crois sur parole hein, évidemment, mm-hmm. mais je me dis, mais il est qui, c'est qui lui pour me donner des conseils, comment ça se fait que lui il va pouvoir me donner des conseils pour être plus heureux? Je crois que parce vous avez que suivi. Je suis un être humain comme vous, et moi aussi j'ai eu des galères, puis moi aussi j'ai eu des bons moments, puis j'ai pris des notes, et puis j'ai étudié aussi les gens heureux, et puis j'ai étudié ce qu'on appelle la PNL, la programmation neuro-linguistique. Je suis devenu maître praticien et coach en PNL. En PNL, qu'est-ce qu'on apprend? En gros, la PNL, c'est l'art de la communication avec soi-même et avec les autres. En PNL, on apprend à se programmer ou reprogrammer les autres en utilisant le langage et nos cinq sens. Reprogrammer les autres, ça donne un peu l'impression que vous allez nous manipuler là, si je puis me permettre. Non, je vais vous influencer à regarder le côté positif des choses. À regarder le côté positif des choses dans votre vie et sortir heureux. Et aussi en PNL, on étudie ce qu'on appelle les comportements à succès. On prend quelqu'un qui a réussi dans un domaine X ou Y et on décortique sa recette, ce qu'il ou elle a fait pour en arriver là. Alors moi, j'ai décidé d'étudier ce que les gens heureux faisaient pour être happy. Mon Dieu, tu as vu, il a glissé le titre du spectacle subtilement dans cette phrase. Quel homme. Et moi, je le désire, il est formidable. Moi aussi, je le désire. Alors voilà. Et c'est comme ça qu'on reprogramme son cerveau, parce que là, j'ai l'impression que vous en avez quand même plusieurs dans votre tête. Ah oui, oui. On a souvent plein de voix différentes qui nous parlent. On se parle, il y a toujours. Et c'est important d'être doux avec soi-même. Exactement. La première personne avec qui on doit être doux, c'est soi-même. Il faut se pardonner, il faut se parler différemment. Parle-toi comme si tu t'aimais. Il y a une autre des leçons que je fais un numéro que j'aime, qui marche beaucoup pour illustrer ce concept dans le spectacle, où je dis arrête de te comparer aux autres. Compare-toi à qui tu étais hier et pas à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Compare-toi à qui tu étais hier et pas à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et ça, je l'illustre vraiment de façon cartoonesque dans le spectacle, mais c'est la base. Parce que quand on passe son temps à regarder à côté et pas à l'intérieur, parce que la personne qui est à côté de soi, elle a sa route à elle. On ne sait pas ce qu'elle a vécu, on ne sait pas par quelle épreuve elle est passée, ce qu'elle a traversé. Oublie ce qu'elle a fait, concentre-toi sur toi et fais ton truc à toi et tu vas réussir. Et c'est la recette du bonheur et d'ailleurs une autre recette d'ailleurs, c'est d'aller vous voir le samedi 21 octobre au Moulin Neuf, donc à Niterbronn-les-Bains. Merci beaucoup, Anthony Cavana. Bah oui, exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Bleu Alsace. Merci, je vous souhaite une excellente journée à vous et à tous vos auditeurs. Merci. Et oui, et pour passer encore plus une bonne journée, samedi prochain, donc le 21 octobre, au Moulin Neuf à Niterbronn-les-Bains, pour aller applaudir Anthony Cavana et son spectacle Happy. Le 16-19 sur France Bleu Alsace. Ça te dit de faire un tour au Salon des Gastronomes ? Il a changé de nom. Il s'appelle désormais Au Vignoble. Au programme, toujours des producteurs artisans qui nous font découvrir et déguster leurs produits. Un vrai tour de France des régions. Et on profite en plus de prix producteurs. Rendez-vous au Parc Expo de Colmar du 20 au 22 octobre. Sigoland vous invite au Mexique pour le Dia de los Muertos. Des décors, un jeu de piste, des ateliers et le spectacle exclusif adapté aux plus petits, El Sueño de Leo. Rendez-vous pour un nouveau voyage fantastique entre Citrouille et Calaveras au parc Sigoland d'Alsace du 21 octobre au 5 novembre. Info sigoland.fr. Du 19 au 22 octobre, l'Alsace accueille la 4e édition du Fascinant Week-end. Sorties à vélo, yoga, chasse au trésor, plus d'une centaine d'activités insolites vous attendent dans les vignobles, domaines et villages alsaciens. À sillonner sans modération du 19 au 22 octobre pendant le Fascinant Week-end. Programme complet sur www.routedesvins.alsace. Campagne financée par l'Union Européenne. Faites le plein de vitamines avec les pommes d'Alsace. Les pommiculteurs d'Alsace partagent la même éthique, produire des fruits sains avec des méthodes de production respectueuses de l'environnement et de la biodiversité dans les vergers. C'est pour cela qu'ils sont certifiés vergers éco-responsables. Parmi les variétés, la Nati, une pomme alsacienne au caractère bien trempé, savoureuse, croquante, au goût sucré et légèrement acidulé, elle vous apportera de la couleur cet hiver. Les fruits et légumes d'Alsace, plus près, plus frais, plus vrais. Le 16-19 sur France Bleu Alsace. Quel bel après-midi nous sommes en train de passer ensemble sur France Bleu Alsace. Pas besoin d'aller loin, même si avec New York, avec téléphone, pardon, on part à New York. New York avec toi sur France Bleu Alsace. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, de voir aucun film en entier, ça va de soi, avoir la vie partagée, taillade, percé par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté. Se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chaque un autre rat. Voici le cœur de la vie en toi. Tu m'emmèneras.

de mieux que des habitants qui prennent les rênes et qui font vivre leur quartier ensemble. C'est un peu l'histoire que je vous raconte aujourd'hui avec l'Acrociation, une association qui s'est développée en plein cœur du quartier de Cronenbourg. Je vous cite les intentions de l'association: rendre Cronenbourg plus sympa, plus vivant et plus écolo, beau programme. C'est une grande mode en ce moment, enfin si on est honnête, c'est plutôt quelque chose qui revient, il faut réparer plutôt que jeter. Bah oui, mais bon, les objets qui sont quand même pas mal complexifiés depuis l'arrivée de l'informatique, donc on ne sait pas forcément les réparer, nos objets du quotidien. Et c'est là que l'Acrociation intervient avec son Repair Café, traduire café réparation, ce samedi 21 octobre de 13h30 à 17h au centre Victor. Victor Scheller, en plein cœur du quartier de Cronenbourg, il répare vos électroménagers, vos vêtements, vos objets informatiques, vos vélos aussi. Tout cela, c'est l'Acrociation qui va vous aider à les réparer. C'est totalement gratuit, dans une super ambiance. C'est un café aussi, hein, et bien justement, il y aura du café, il y aura des boissons chaudes, des gâteaux, de quoi grignoter, et puis des bénévoles bien sympathiques, parce que voilà, tout se fait totalement gratuitement au Repair Café. Ça permet d'éviter de jeter quelques objets, ça sera déjà un pari gagné. Donc je rappelle les infos, Repair Café ce samedi 21 octobre de 13h30 à 17h au centre Victor Schoelcher à Strasbourg. Chaque matin dès 9h, France Bleu Alsace est à votre service. Une heure pour échanger avec nos spécialistes. Tendu beaucoup de négatifs. Et dès 10h, vous êtes bienvenue chez vous pour ne rien rater de ce qui fait vibrer l'Alsace. Quand les blogueurs et blogueuses sont devenus une véritable référence en matière de gastronomie. Et toujours au plus près de vous. Et on a des pépites, vous allez voir, c'est adorable, ça fait du bien. De 9h à 11h sur France Bleu Alsace, rendez-vous avec François Payen, Isabelle Chalaï et Maxime Dillinger pour 2 heures de pure bonne humeur. J'adore ces témoignages. Ils sont des auditeurs fabuleux. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical, point de vente soumis au code de la mutualité, conditions sur écoutezvoir.fr. La Nostalvie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé La Nostalvie, à ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil, c'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie, de Patrick Sébastien, un récit à savourer, un livre XO. Les gentils monstres et sorcières s'invitent au parc animalier de Sainte-Croix. Pendant les vacances de la Toussaint, Sainte-Croix met à l'honneur les créatures fantastiques et vous réserve des aventures monstrueusement amusantes. Nouveaux spectacles et jeux de piste, maquillage effrayant, repas des animaux avec des citrouilles. À Rhodes en Moselle, dans le cadre du festival Bêtes et Sorcières, à 1h de Metz, Nancy et Strasbourg. Promotion web exclusive pour tout achat de billets en ligne. Conditions et réservations sur parcsainte-croix.com. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Alsace. Et France Bleu Alsace, il est 18h. Le point sur l'information avec Chloé Geffroy. 9 aéroports français ont été évacués aujourd'hui après des alertes à la bombe. Et dans le lot, celui de Strasbourg. 3 heures d'évacuation, le temps que les démineurs interviennent. L'aéroport a en fait reçu des mails malveillants. Heureusement, vers 15h, le trafic a pu reprendre. Un seul vol a été annulé. Renaud Paubel, le directeur de l'aéroport. Hier, on a eu des alertes à la bombe dans des établissements scolaires. Aujourd'hui, c'est dans les aéroports. Bien sûr que c'est des choses inquiétantes. Maintenant, dès qu'on a l'information d'une alerte à la bombe, on vérifie la crédibilité de la menace, sur la base de quoi on ne prend pas de risque et on évacue l'aérogare. Ça n'a pas touché que l'aéroport de Strasbourg, ça a touché d'autres aéroports. Donc, on va dire une action, somme toute, coordonnée, qu'une plainte a été déposée et qu'une enquête est en cours pour déterminer quels sont les auteurs de cette action. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, lui annonce ce soir que les auteurs de ces fausses alertes à la bombe seront retrouvés et punis, je le cite. Pour rappel, une fausse alerte est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. 24 Français sont morts, 7 sont portés disparus, probablement en otage dans la bande de Gaza. Voici le dernier bilan donné par Elisabeth Borne après l'attaque du Hamas en Israël. Bilan donné devant le Sénat cet après-midi. La première ministre qui précise que 3500 Français d'Israël ont été rapatriés. Sur place, Gaza est toujours la cible de représailles israéliennes. Au sujet de l'explosion d'un des plus anciens hôpitaux de Gaza hier soir, la Maison-Blanche annonce que des images aériennes et des communications mettent Israël hors de cause. Au total, 471 personnes sont mortes. C'est le dernier bilan du Hamas. Bonne nouvelle si vous avez un projet d'achat immobilier. L'année prochaine, le prêt à taux zéro va concerner plus de ménages, plus de villes et son montant pourra atteindre jusqu'à la moitié du crédit. Le ministère de l'Économie a dévoilé les nouvelles règles pour en bénéficier, Pierre Amparan. Comme son nom l'indique, le prêt à taux zéro est un prêt où vous n'avez pas à payer d'intérêt. C'est l'État qui le prend en charge afin d'aider ceux qui achètent leur premier bien immobilier. Ce principe ne change pas et on ne pourra toujours pas en bénéficier pour acheter l'ensemble de sa maison ou de son appartement. Mais jusqu'ici, c'était 40% de l'emprunt. Ça passe à 50%, donc la moitié du capital, pour les ménages les plus modestes. Les classes moyennes, ceux qui gagnent entre 2500 et 4000 euros, qui n'avaient pas droit au prêt à taux zéro jusqu'à présent, pourront également en bénéficier l'an prochain à hauteur de 20% du crédit. Autre changement, ce prêt sera accordé pour l'achat d'un appartement neuf en zone tendue, c'est-à-dire là où on a du mal à se loger. 210 villes supplémentaires seront concernées. Sinon, ça concernera l'ancien à rénover, mais dans tous les cas, pas pour financer une maison individuelle neuve. Et parmi les 210 villes concernées, plusieurs sont en Alsace, dans le Haut-Rhin, à Cernay, Colmar-Wittenheim, dans le Bas-Rhin, Bischwiller, Haguenau, Ilkirch-Saverne et Strasbourg. Chaque année, c'est le même rituel. Le grand sapin du marché de Noël de Strasbourg est coupé. Ça a été fait ce matin justement dans le massif vosgien, dans la forêt de Bousson, en Meurthe-et-Moselle. Tradition respectée à la lettre. Henri-Pierre Gangloff, chef de projet Grand Sapin à l'ONF, l'Organisation Nationale des Forêts. Comme chaque année, c'est un sapin qui fait environ une trentaine de mètres de haut, qui a une dizaine de mètres d'envergure, qui est conique, qui est branchu jusqu'en bas, qui a la forme standard de ce qu'on recherche sur la place Kléber pour faire un sapin de Noël. C'est un sapin pectiné à Biesalba, c'est le sapin qu'on retrouve dans le massif vosgien. C'est vraiment le roi de nos forêts vosgiennes. Techniquement, en fait, l'arbre ne peut pas être abattu de manière conventionnelle, c'est-à-dire qu'on l'abat, il tombe tout seul. Là, il est retenu par une grue et une deuxième grue va le prendre pour coucher à l'horizontale cet arbre tout délicatement sur le camion. On a plusieurs jours de travail pour le fermer, pour qu'il soit transportable. Tel quel, l'arbre ne peut pas être transporté, ici, il est beaucoup trop large. On va le mettre comme quand vous allez chercher votre sapin chez votre vendeur. C'est pas un filet, là, on va prendre branche par branche pour le refermer, mais c'est à peu près le même principe. Est attendu le 24 octobre, mardi prochain, place Kléber. Il va falloir 8 heures pour l'acheminer. 8 heures, c'est beaucoup. Des photos de l'arbre sont à retrouver en attendant sur notre site francebleu.fr. Et on fait le point sur la météo à 18h. Et oui, toujours un risque de pluie. Ça va se poursuivre d'ailleurs une bonne partie de la nuit. Et nuit qui tombe tout doucement en Alsace. Et qui dit nuit qui tombe, dit mercure qui descend aussi tout doucement. Quelques degrés de moins, 8 degrés à Wingersheim, 9 à Haguenau et Rhinau en ce moment. Il fait un tout petit peu plus chaud dans le Haut-Rhin. Comptez 11 degrés à Münster, 12 à Colmar et 13 à Saint-Louis. C'est la maximale en ce moment. Demain, ça sera nuageux mais moins pluvieux, sauf dans le sud du Haut-Rhin, le sud-ouest de Münster à Ferrette, avec des risques de pluie qui se poursuivront encore demain matin. Les températures au réveil, elles seront comprises entre 10 et 13 degrés. La météo 100% locale avec Trèfle Vert, un réseau de 11 jardineries rurales en Alsace. Des conseils d'experts pour jardiner au naturel et consommer local. Info sur trèflevert.com. Et vos conditions de circulation au CIRAC avec Christelle. Bonsoir Christelle. Oui, bonsoir. Un petit peu de monde. Oui, alors vous avez un petit peu de monde effectivement sur les autoroutes, sur la M351 effectivement, vous avez un petit peu de monde en venant de Wolfisheim en direction de Strasbourg, vous avez également sur la M35 en venant du sud jusqu'à la sortie Bagarzé, ça bouchonne un petit peu, après ça roule un petit peu mieux en direction de Reichstätt et ça rebouchonne juste à l'entrée de Reichstätt en direction de, effectivement de Reichstätt, vous avez un petit peu une latence qui se forme, mais après ça revient un petit peu plus dense et dans le sens inverse également, vous avez aussi un petit peu de monde en venant du nord en direction de Strasbourg, en surtout au niveau de la sortie Vigie où c'est un petit peu plus compliqué la sortie. Voilà, en interurbain, vous avez beaucoup de monde sur la rue de la Plaine des Bouchers, également sur la route de Chirmec, qui est quand même pas mal saturée à cette heure-ci, et un petit peu de monde sur l'avenue du Rhin également. Et voilà ce qu'on peut dire, et vous avez de la place partout au niveau des parkings. Merci beaucoup Christelle. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Alors, on continue nous en partant vers le nord, quand on a rejoint la 4 juste après l'échangeur de Heurt. Quand vous arrivez depuis Strasbourg et que vous vous dirigez dans le sens Strasbourg-Paris, vous êtes presque au niveau de Brumath. C'est légèrement ralenti également, un ralentissement qui est très fréquent à cette heure-ci. Évidemment, en cette sortie du travail, on repart vers le sud. Célestas est ouvert, le contournement de Colmar est également ouvert. Un petit ralentissement quand vous bifurquez vers la D415 en direction de Andolsheim. Rien de particulièrement alarmant non plus. L'agglomération de Mulhouse est au vert également. Et puis, bonne nouvelle, le ralentissement qui avait lieu entre Bâle et Mulhouse quand vous sortiez de Saint-Louis, et c'est résorbé. C'est également le cas sur l'A36. Le ralentissement qui avait été signalé tout à l'heure, c'est également résorbé quand vous étiez dans le sens Mulhouse-Belfort. Vous êtes témoin d'un incident, d'un accident ou d'un ralentissement, vous êtes nos patrouilleurs sur France Bleu Alsace, 03 88 25 02 02. Le 16-19, le 16-19 sur France Bleu Alsace. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez toujours France Bleu Alsace. Bienvenue si vous nous rejoignez, on passe encore une heure ensemble jusqu'à 19h et je vous emmène à Mulhouse ce soir et demain pour vivre le manga et l'animé One Piece autrement. C'est un ciné-concert par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, une belle soirée à vivre en famille pour faire plaisir aux fans du manga mais aussi à toutes celles et ceux qui ont envie de découvrir One Piece avec de la musique live, rien de mieux. Allez, je vous donne tous les détails un petit peu plus tard, alors restez avec nous. Et une autre idée sortie, c'est deux entrées pour le parc de Sainte-Croix qui seront à gagner. C'est dans quelques instants sur France Bleu Alsace. Allez, je vous fais patienter un petit peu, mais ça va. En tout cas, c'est Claudio Capéo qui le dit. Ça va, vous écoutez France Bleu Alsace. À toi la fille qui me rend si dur et si tendre, qui sait me parler quand je suis barré, je veux rien entendre. J'ai le cœur sourd, quand j'ai le cœur lourd, de pluie de peine, elle a me trempé dans de l'acier. Quand je suis paumé, que tout m'enchaîne. J'ai parfois l'âme prise dans des filets qui me tourmentent. J'ai parfois l'âme grise. Et si ce soir tu me demandes comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À toi l'ami, le seul homme qui m'a tenu la main. Quand tous les jours je m'en faisais pour mes lendemains. Toi dont je sais que même blessé, t'es toujours là pour me porter, pour abréger ma peine jusqu'à ce que je sois léger. J'ai parfois l'âme en crise, ma joie de vivre qu'on me la rende. Mon bonheur me méprise. Et si ce soir tu me demandes comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À ce que j'ai parfois négligé, peut-être un peu libre, pour pas déranger, moi le naufragé, sur mon bateau ivre. J'ai pas de bouée, pas de feu de détresse, je suis pas doué pour les caresses. Mais si jamais vous me demandez quand tout me blesse, comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je vous répondrai ça va, ça va, ça va comme c'est comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va. Ça va comme ci, comme ça. Et il a raison, Claudio Capéo. Tant qu'on a le cœur qui bat, ça va. Et tant qu'on écoute France Bleu Alsace aussi. Le 16-19 sur France Bleu Alsace. Deux entrées pour le parc de Sainte-Croix à Rodez, dans Moselle. Le parc de Sainte-Croix, on y voit des loups, on y voit la saison du brame du cerf en ce moment, on y voit aussi des ours, bref, plein d'animaux à découvrir absolument si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller. Et d'ailleurs, parmi tous ces animaux, donc je le citais, il y a les loups, et c'est la question que je vous pose pour tenter de gagner ces deux entrées pour le parc de Sainte-Croix. Quand un loup est en groupe, quel est le nom de ce groupe? Comment appelle-t-on le nom d'un groupe de loups? Vous avez la réponse, j'en suis sûre. 03 88 25 15 15. Je vous rappelle, deux entrées pour le parc de Sainte-Croix sont à gagner. Quel est le nom d'un groupe de loups? 03 88 25 15 15. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Jeudi, vendredi et samedi, les artisans bouchers charcutiers, traiteurs d'Alsace, sont solidaires de votre pouvoir d'achat. Pendant ces trois jours, et à partir de 40 euros d'achat, une palette fumée d'environ 1 kilo vous sera offerte par votre artisan affichant l'opération. Retrouvez-les sur www.boucherie-charcuterie-alsace.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Waouh ! 60 ans de plaisir et d'émotions partagées. Ça se fête ! À l'occasion de ses 60 ans, la chocolaterie Daniel Stoffel souhaite remercier tous les gourmands depuis trois générations. Jusqu'au 31 octobre, laissez-vous tenter et plongez dans l'univers Daniel Stoffel. Des cadeaux, des animations et 15% de remise immédiate vous attendent dans nos trois magasins à Haguenau, Ribeauvillet et Shopping Promenade, ainsi que notre boutique en ligne. Plus d'infos sur daniel-stoffel.fr. Daniel Stoffel, créateur de moments d'émotion. Merci d'avoir choisi d'écouter France Bleu Alsace. Il est 18h13. L'amour se célèbre sur France Bleu Alsace avec Christophe Maé et Amadou et Mariam. Ça fait rêver des gens l'amour. Ça donne la vie, le tournis des petits gars qui courent. Ça fait lever des gens l'amour. Ça fait rougir, ça fait mentir, ça fait du bien tout court. L'amour, ça fait parler, ça fait le vide autour. Ça fait de nous des âmes heureuses, ça fait de nous des âmes seules. Ça fait de vous des amoureuses et de nous vos en âmes seules. En amour, ça fait fumer une cigarette, l'amour. Ouais. Ça fait mincir les silhouettes. Ça fait casser des abat-jour. Ça fait stopper la cigarette, l'amour. Christophe Maé, Amadou et Mariam, vous écoutez France Bleu Alsace. Le 16-19 sur France Bleu Alsace. Je vous ai posé une question pour tenter de gagner deux entrées pour découvrir ou redécouvrir le parc animalier de Sainte-Croix. Bonjour Maurice. Bonjour. Alors j'ai posé une question, ma foi, assez simple. Oui. Il faut bien l'avouer, quel est le nom d'un groupe de loups, Maurice? C'est la meute. Mais oui, évidemment que c'est la meute. Oui. Bravo, vous gagnez vos deux places hein, pour le parc animalier de Sainte-Croix. Vous avez déjà eu l'occasion d'y aller ? J'ai été il y a 3 ans. Il y a 3 ans déjà, donc ça fait l'occasion d'y, oui. d'y revenir. Vous y c'est étiez à quelle saison ? Oui. Oui. Vous y étiez à quelle saison au parc de Sainte-Croix ? On était au mois d'août. En plein été. En plein été, oui. Mais c'est vraiment un parc qui se visite, visite à toutes les saisons, parce qu'il y a plus différents animaux qui se montrent plus ou moins. Ça vaut vraiment le coup de le visiter, oui. Vous en avez gardé un bon souvenir ? Ah oui. Et au début de l'ouverture, c'était notre pèlerinage, on allait tous les ans. Ah oui, carrément, vous êtes vraiment un habitué, quoi. Oui, j'étais habitué, oui. Et donc, il y a plusieurs meutes de loups à voir. Hein. C'est pour ça que j'ai posé la question au parc de Sainte-Croix. C'est quel animal qui vous a le plus impressionné la fois où vous étiez allé le voir ? Enfin, les nombreuses fois où vous êtes allé au parc de Sainte-Croix ? Franchement, c'était le loup. Ah bah, c'était une question pour vous, alors. Hein. Oui. Ça n'avait pas du tout hésité à plus. Et puis les cerfs aussi, le moment des cerfs, ils passaient à côté de nous en semi-liberté. Bah oui, c'est le principe du parc de Sainte-Croix. Les animaux ont vraiment beaucoup d'espace, donc ça laisse vraiment l'occasion de les voir presque dans leur environnement naturel. Évidemment, ça reste un parc fermé, et vous avez raison, la saison du brame du cerf est absolument magnifique à voir dans cet écrin de verdure. Je précise qu'il y a 120 hectares, c'est quand même pas mal. Hein. Oui, et je n'ai jamais eu l'occasion d'écouter le brame du cerf là-bas. Ah bah écoutez, avec ces deux entrées... Avant, voilà. Ce sera peut-être l'occasion. Oui. Vous savez avec qui vous allez pouvoir y aller ? Avec mon épouse. Pour refaire votre sortie et relancer le fait d'y aller tous les ans. Voilà, oui. Bah vous économisez un billet, vous y retournez l'année prochaine. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Merci bien. Et bah c'était avec grand plaisir. Merci beaucoup, Maurice. Et puis de nous avoir appelé, d'avoir été très rapide. Et à toute votre équipe. Et ça nous fait très plaisir, je transmettrai à toute l'équipe s'ils ne sont pas à l'écoute. Merci beaucoup Maurice, et puis à bientôt sur France Bleu Alsace. Oui, bonne soirée. Au revoir Maurice. On va pouvoir continuer en parlant de jeux. Il y en a un qui vous passionne, c'est le Deng, tous les matins de 11h à midi. Il est tombé d'ailleurs ce matin, le Deng. Donc moi je vais vous répondre oui, il est sungovien. Ok, très bien. Donc, vous avez le droit de me faire une proposition, une seule. Ok, ça marche. Est-ce que c'est Jacques Ongui ? Eh ouais ! Eh oui ! Excellent. Excellent. Eh mais, fallait le trouver celui-là. Ah bah mais après comme dit les indices, il y avait un lien, effectivement. Eh mais on travaille. Eh mais Julien, moi je bosse, hein. Et oui, vous devriez le voir, Laurent Weisskopf, dans les bureaux, à essayer de trouver les énigmes les plus intéressantes et puis à vous faire vraiment réfléchir. On a quand même eu le droit à une petite surprise ce matin. C'est assez incroyable, c'est exceptionnel. Juliette au standard me dit c'est Jacques Engui. On dit pas Engui, on dit Engui. Et là, nous avons Jacques au téléphone. Bonjour Jacques. Hello, bonjour. Jacques, comment allez-vous ? Je vais fort bien. Alors, je vous explique comment ça s'est passé. J'ai préparé cette énigme du Deng parce que je vous ai vu sur France 3 Alsace. Et je me suis dit, ce personnage, il faut le mettre en avant. Vous êtes sungovien, vous êtes musicien et vous êtes inventeur. Et il s'avère que vous connaissez Juliette du Standard. C'est magnifique. Ah ben voilà. Alors, vous avez plus d'une corde à votre arc. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes, là, maintenant, sur France Bleu Alsace ? De ma vie, je suis prof de musique, de guitare classique. Hein. Ouais. Voilà, et c'est mon métier, mon bonheur aussi. Et puis, j'ai d'autres trucs, notamment la rénovation de trouver des systèmes, des solutions, voilà, pour les maisons traditionnelles, entre autres. Et donc, j'ai mis au point un colombage double, voilà, dont j'ai eu un brevet d'invention. Et oui, Jacques Engui, donc, qui a été au micro de France Bleu Alsace et de Laurent Weisskopf, alors qu'on venait de faire deviner cette personne dans le Deng sur France Bleu Alsace. Le continue à jouer toute la semaine, hein. Le Deng, c'est de 11h à midi, absolument tous les jours. A gagné cette semaine un séjour dans un gîte de France dans le Bas-Rhin, un séjour d'une semaine pour 4 personnes, ça donne envie. Est-ce qu'il donne envie de rester à l'écoute aussi, c'est True Colour. Colors, il y a un S. Cindy Lauper. Vous écoutez France Bleu Alsace. Merci d'avoir choisi de passer votre fin d'après-midi. Il est déjà presque 18h30. You with the same.